imaginer un monde sans musique où nul ne peut chanter. Fini les romances, rien que du silence. Hola, la musique amb Rafael Corbí. Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició del nostre espai Hola la Música amb Rafael Corbí, que comença a partir d'aquests moments i que ho farà el dia d'avui, un dels darrers espais d'aquesta temporada, la que us portem ara mateix, amb Charles Aznavour, una de les cançons al costat de Pierre Roche amb aquest programa. Anem a començar, doncs. Bona música, bon ritme i, sobretot, música en francès. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai bu, j'ai dit les mots qui passaient dans mon âme. Mets-toi dans ta petite tête de femme, t'as pas compris que j'étais perdu. Alors j'ai bu, et fou. J'ai senti, malgré mes caresses, dans la douceur de cette ivresse, que tu mentais. J'ai bu. Pourtant je t'aimais d'un amour sincère, mais un jour, malgré mes prières, tu m'as quitté, n'en parlons plus. Alors j'ai bu. Fin whisky, gin, alcools lui sont permis, ce qu'il chagrine. Si des barmen, il est l'ami, des réverbères, il est l'ennemi. Sur le palier, le trou de serrure joue à cache-cache avec sa clé. Ma maison a une drôle de mine, tous les objets font philippine. J'ai bu, j'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai bu, j'ai dit les mots qui passaient dans mon âme. Mets-toi dans ta petite tête de femme, t'as pas compris que j'étais perdu. Alors j'ai bu, et sous, j'ai vite oublié tes caresses. Je me plais bien mieux dans mon ivresse, et loin de toi, je bois. Le trottoir n'est plus assez grand pour moi. En titubant, je crie à pleine voix, les flics sont des petits potes à moi. Je bois, j'ai bu. La radio joue un Ave Maria. Elle est marrante, cette chanson-là. Les paroles sont en auvergnat. J'ai bu, je bois, je suis heureux, et ce qui fait ma joie, demain j'aurai la gueule de bois. Et c'est pour ça, je bois. Programa avui amb diferents artistes que ens aniran acompanyant, però també durant uns minuts música que ens portarà un dels nostres oients. Estem molt contents de poder escoltar cançons recomanades per la gent que ens escolta. Marcos Amadion és un d'ells i ens proposa diferents artistes que no hem tingut temps de posar en programes anteriors. Avui n'escoltarem alguns d'ells, com per exemple una cançó que ens aporta en Daniel Levy, que a més la porta al costat de gent com Pascal Obispo, Ahmed Amoussi, Ginny Lynn i d'altres. Una cançó que es va publicar enrere amb el temps, no recordo si va ser el 2007 concretament que es publicava aquest L'Envier de Mer de Daniel Levy.

Gràcies per una cançó com aquesta i per les vostres sol·licituds, peticions, el que ens vulgueu fer arribar. Ara s'acaba la temporada, però nosaltres sempre estarem aquí al vostre costat per anar apuntant les cançons que voleu escoltar o els artistes que voleu escoltar en les properes temporades d'Olala Music. I, per exemple, doncs, ja us dic, podeu enviar qualsevol petició que tingueu per sonar amb aquest espai al 644 40 83 24 644 40 83 24 només amb notes de veu, notes d'àudio o amb missatges de text. 644 40 83 24. Després el tornarem a repetir. I també després escoltarem més cançons que ens porten els nostres oients. Ara, però, escoltarem un àlbum publicat el 2018 amb 40 cançons. Gandhi Juna va néixer el 1986, més conegut per el seu nom artístic de Meta James, o només James. És un artista congolès francès, és un rapper, un cantant, que va créixer a França i que viu entre França i el Marroc. Avui l'escoltarem amb aquest exmembre de la banda de hip-hop, Sessió de So, que va debutar amb l'àlbum Subliminal el 2013, amb peces, amb tres concretament del seu àlbum, ja hem dit, en 40 temes, Centur Noir, que es va publicar el 23 de març de 2018, número 1 a França i número 1 també a Valònia i a Suïssa. D'aquest àlbum hem triat dues de les cançons que van sortir un senzill oficial, La Mem, amb Vianney, Loup Garou, amb Sofiane, i una de les cançons que les ràdios van fer sonar més, tot i que no era un senzill, Tunnel Vopar, amb Dadju. Totes tres, a partir d'aquests moments, aquí a Olala Music. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey on y range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.

Genial la interpretació en directe amb aquest tema que pertany a aquest àlbum que us comentàvem, Le Fleur de Forest, de Pascal Obispo. Era el seu tercer àlbum en directe, es va enregistrar al Forest National a Bèlgica, va sortir el 29 de novembre del 2007, en principi com un CD, un doble CD, amb un amb 16 cançons, l'altre amb 5, amb dos remixos del 1980, però que després també va ser tornat a editar amb una versió encara més de luxe, amb 3 compactes. D'aquest àlbum cal destacar doncs aquesta cançó, perquè és la que ens han recomanat, però també l'únic senzill que va sortir des del CD2, que va sortir d'aquest àlbum, Nouveau Voyage, C'est la vie, un duo amb Baby Bash, va sortir el 2007 com a senzill, i és la cançó que també us oferim des d'aquest disc. Wow. Obispo Bash. Voilà. My future is clear, let the past disappear, and I'm ready for a new frontier, new day, new life, a nouveau voyage, and I'm chasing my dreams, no more chasing the mirage. C'est la vie, and I hope things get a little better. C'est la vie, Cadillac wood grain with the leather. C'est la vie, cause I already been through stormy weather. C'est la vie, and I'm just trying to get myself together. Tu finis par se dire, tu finis par se faire, tu finis par faire tourner une autre page. Tout finit par s'enfuir, tout finit par des rêves, tout s'achève pour commencer un autre voyage. Somebody help me count the ways, cause I'm looking for a brighter day. Nouveau, nouveau, nouveau, nouveau voyage. Somebody help me count the ways, cause I'm looking for a brighter day. Baisser les lumières, tirer le rideau sans dire un mot. Mais les fleurs même sous la poussière n'ont besoin pour naître que d'un peu d'eau. Tout finit par se dire, c'est la vie. Tout finit par se faire, c'est la vie. Tout finit par faire tourner une autre page. Par s'enfuir, c'est la vie. Tout finit par des rêves, c'est la vie. Tout s'achève pour commencer un autre voyage. Autrement, autre part, différent, mais on repart. Autre chance, autre chose, rien qu'on le vance, et rien qu'on impose. Doncs, tres, com hem dit, tres CDs que amb el tercer s'hi van afegir també un munt de cançons més després, amb un tema inèdit que no s'havia editat mai i que va sortir amb aquest àlbum. Altres hi havia demos, hi havia més altres temes en directe, versions estranyes, com una amb cordes de piano, un Savoir Même, per exemple. Tu m'ha fet dir és el tema que escoltarem a continuació d'aquest àlbum, en el qual Pascal Obispo doncs, ens portava totes aquestes grans cançons i que és un disc molt recomanable, les tres compactes del seu mil·lèsimes. Tombé d'accord, tu t'occuperais de m'oublier, moi de t'aimer encore, j'aurais du mal à rêver, si c'est plus toi qui m'endors, du mal à me réveiller, si c'est plus toi. Tu m'avais dit d'essayer, je crois que j'essaie encore. D'accepter, je crois que j'essaie encore. Et j'essaie d'enchaîner d'autres corps, d'autres accords, d'autres raisons de voyager, de sourire sur le passeport. J'essaie de ne plus saigner en attendant du renfort, de ne pas faire de prisonnier en attendant. Tu m'avais dit d'essayer, je crois que je saigne encore. Tu m'avais dit liberté, je crois que je sais encore. D'un avenir Mais comment apprendre à devenir ton plus lointain, ton plus lointain souvenir. Que tu me tiennes, que tu me tues, je meurs si je t'aime, je meurs si je ne t'aime plus, si je ne t'aime plus. Tu m'avais dit d'être fort, je crois que j'essaie encore. Tu m'avais dit que c'est pas la mort, je crois que j'essaie encore. Dit d'oublier, je crois que j'oublie encore. Oh, tu m'avais dit d'essayer, je crois que je t'aime encore. I acabarem, doncs, aquest programa, almenys amb la part de Pascal Obispo, amb un altre dels temes, però perquè a mi m'agrada molt. És aquest tema que escoltareu a continuació. Ja em direu si també us haureu de Ho he avec que tu mem, és la cançó de Pascal Obispo, que sona avui també a Olala Música. Où personne ne dit la lettre qu'il a. Ça ressemble au temps qui fera, mais personne ne sait le temps qu'il faudra. Et je me demande où est avec qui tu m'aimes. On pourrait se méprendre, mais dis-moi, avec qui tu m'aimes, est-ce que ça ressemble à de l'amour? Dis-moi, si j'accepte, dis-moi. Ça ressemble à une histoire de. Mais personne ne dit qu'il a envie de. Ça ressemble, mais c'est plus que ça. Où tu vas, ça l'histoire ne le dit pas. Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. Se méprendre, mais dis-moi où et avec qui tu m'aimes. Est-ce que ça ressemble à de l'amour? Dis-moi si j'accepte, si j'accepte, si j'accepte, si j'accepte, dis-moi qui d'autre que moi se fait du mal. Així hem escoltat amb en Pascal Obispo, també amb el nostre programa en el dia d'avui, Metre Gins, música de Charles Aznavour, música de Daniel Levy, amb el nostre espai. I ara és el torn de l'Àngel Rodríguez, que avui ens recordarà una de les seves primeres participacions amb el nostre programa amb una cançó de Jacques Brel. Endavant, Àngel. Què tal, Rafael? Gràcies per donar-me pas en el teu programa. Aquesta cançó la vull dedicar, la que escoltarem tot seguit, a tots aquells que porten anys vivint junts, anys vivint junts amb amor, amb estimació. És una peça que entra dins del cor. Els protagonistes porten un amor amb tempestes, bogeries, reconciliacions. Porta per títol La Chanson i va ser treta l'any 1967. La interpreta l'inconfusible Jacques Brel. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps.